En Corée du Sud, le Conseil des formations démocrates et civiles de la ville de Kimpton, de la province du Gyeongsang du Nord, regroupant 11 formations, dont la solidarité de Frey, le syndicat de chemin de fer, le syndicat sanitaire et la filiale de Kimpton du syndicat national des enseignants, mène activement une lutte contre la disposition du SAD, selon Yonhap News sud-coréen.